Edward Murica, le cœur des sept nixes. Souvent fois au clair de lune, on voit ainsi dans la nuit brune le beau magicien Dracon sur le plateau du pavillon de la princesse Lilygie. Bien elle admire son génie touchant les feux du firmament, les destins de chaque élément et tout secret de la magie. Donne répit à ta pensée, l'heure de minuit est passée, dit la princesse à l'enchanteur. Tant de savoir te fait honneur et m'éblouit et m'émerveille, mais dis-moi pour clore la veille un conte bleu doux à mon cœur. Aimes-tu la chanson du vent sans fin et sans commencement, la mort du fils du roi, les plages de la ville des coquillages? Ainsi qu'hier chante aujourd'hui ces beaux palais exempts d'ennui, la grotte des sept sœurs, les nixes, et le fils du prince aux yeux fixes. Entre des murs verts et liquides, des sept nixes trône le cœur, la rose des eaux sur le cœur, guettant du jour les feux rapides. Et quand parfois sur l'eau qui dort passe un navire comme une ombre, sept fois il monte un cri de mort du fin fond du royaume sombre. Alors au son d'une clochette, les pâles sœurs dansent en rond, secouent au vent vertes boulettes, paires de ceintures et colliers blancs. Et la mer se met à rager, la vague monte sur la vague, et chaque élément extravague près de la nef pour la noyer. Telle fut la douce chanson que dit l'astrologue Dracon à la ravissante princesse, et tout en lui versant l'ivresse, de sa lèvre il vient effleurer la bouche prête à son pourpré, et les yeux bleus comme jacinthe endormis en si douce étreinte de la fille au cœur trop charmé. Celle-ci, dans un somme aimé, se croit admirant sa clergie, touchant les feux du firmament et tout secret de la magie. Lors elle s'éveille pourtant, donne répit à ta pensée, l'heure de minuit est passée, ton savoir te fait grand honneur et m'éblouit et m'émerveille, mais dis-moi pour clore la veille des contes bleus si doux au cœur. C'est bien, déjà glisse sur l'onde le navire au gai matelot, et les sept nymphes à la ronde, viens belle amie du haut des flots. Elles lui font la révérence, viens, tu n'auras du repentir, viens, tu verras notre plaisance, et nous serons pour te servir. Et voyez, dans l'onde saline, descend le fils du roi, séduit, et vers la porte coralline, le cœur aussitôt le conduit. Pourtant l'on vit bientôt après, comment le fiancé d'Enix, mort et percé de sept grands traits, sur la mer flotta, les yeux fixes. Telle fut l'aimable chanson que dit l'astrologue Dracon à la ravissante princesse, et tout en lui versant l'ivresse de sa lèvre, il vient effleurer la bouche prête à son pourpré, et les yeux bleus comme jacinthe, endormis en si douce étreinte de la fille au cœur trop charmé. Celle-ci dort d'un somme aimé, mais son désir encore s'éveille. Cher ami, pour clore la veille, un conte bleu doux à mon cœur. Il chante alors le lait d'honneur et fait sa dernière caresse, et chanson, histoire, tout cesse, mais elle ne s'éveille plus. Car depuis 20 jours révolus, Dracon, magicien perfide, du fils du roi s'est fait le guide sous un prétexte mensonger. Bien à propos pour l'étranger, l'heure suprême est advenue. Il emporte la fille nue, prend son essor sous son manteau, dans les airs jusqu'au bord de l'eau, descend sous la vague marine, frappe à la porte coralline et conduit la princesse aux sœurs pour recevoir mêmes honneurs, mais en attendant à la nage commencer son apprentissage. Une des grâces de cette poésie est dans la naïveté de l'inspiration du poète, dans la profonde sympathie de l'auteur pour son sujet. Murica aime cette mythologie romantique, il y croit. Henri Blaze. Young Folker. C'est Young Folker, notre chef, le brigand, avec guitare et carabine, pour la musique et la poitrine, selon le temps, selon le vent. Guitare et carabine, guitare et carabine, Folker apprête l'instrument. Je l'ai bien vu sous un rayon d'argent, assis au bord de la colline. Il savourait la liqueur fine. Son œil bleu parut flamboyant. Guitare et carabine, folk rapprête l'instrument. Soudain il jette armée, guitare au vent. Soudain il court vers la ravine, l'ennemi vient. Dans la poitrine, sus, comme un loup dévorant. Guitare et carabine, folk rapprête l'instrument. Chanson de Jung Folker. La femme qui porta ce drill et me berça sur ses coussins fut une belle et brune fille qui méprisait tous les humains, qui jasait, riait davantage et plantait là plus d'un galant. Plutôt qu'entrer en mariage, je serais fiancée au vent. Or, le vent vient, la considère et l'emporte comme un tendron, dont 9 mois après, la commère mit au jour un joyeux luron. Les forces élémentaires, hostiles à la race humaine, ne séjournent pas seulement sous les eaux. Le naturalisme populaire du Moyen-Âge, dont la muse romantique évoque l'esprit, en peuple la création. Henri Blaze,